écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Voici, c'est un fait. C'est un fait, clap, clap. C'est un fait, clap, clap. C'est un fait. C'est un fait. Je pense qu'on n'aurait jamais fait une fois pareil. Non, mais c'est ça la variété de la chose. C'est ça qui est fun. Oui, oui. C'est ça que les gens recherchent. Oui. Du talent, comme ce qu'on a à leur offrir, n'est-ce pas? Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques et véritables et vérifiables. C'est-à-dire qu'on propose des choses qu'on a trouvées sur Internet et on doit essayer de trouver, nous, si c'est vrai ou si c'est faux. Non, c'est pas vrai. C'est supposé être tout vrai, là, mais il y a des affaires, des fois, qu'on doute un petit peu. Ah, mais on va avoir du flum. Du flum? Oh, du flum! On va avoir du flum! Oui, monsieur. C'est le flum de bonheur. Donc, commençons par la formation musicale Linkin Park. Ah oui, OK. Qui à l'époque s'appelait Hybrid Theory. OK. Je savais pas ça, c'était leur ancien nom. Hybrid Theory. Eh ben. Ils sont partis hybride abattu. Hybrid. Oui. C'est fun. C'est fun, c'est fun. Sais-tu que 1-1-1-1-1-1 fois 1-1-1-1-1 égale 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-2-1. Ah! Par en haut et par en bas. Wow! C'est le fun, hein? Il était plate le cours de maths là, pour la personne qui a fait ça. C'était Pat, je pense qu'on dit. Si c'est flun, faut c'est dire c'est Pat. Oui. T'enlèves le R, t'enlèves le L. Au 19e siècle, la cire dans les oreilles était recommandée comme remède pour les lèvres gercées. Ah, oh, t'as un peu. C'est. Plus tu penses, plus tu te dis que ça a la même. Comment on dit ça? Texture? Merci. Okay. Je suis tombé dessus au moins. Oui, t'es tombé dessus. C'est ça. T'en étais petit. La texture. Lorsque Google a lancé Gmail, le service de courriel de Google, c'était le poisson d'avril. Okay. En 2004, 1er avril 2004, plusieurs sources croyaient vraiment que c'était une blague. Parce que tu sais, Google a fait des blagues à chaque année de poisson d'avril, mais celle-là, ça n'était pas une. Je pense que c'était sûrement voulu. Ils se sont dit, tout le monde va penser que c'est une blague. Ils vont aller voir pareil. Ouais. Puis ça sera pas une blague, finalement. Et ça a été un énorme succès et ce l'est encore aujourd'hui. Entre 1960 et 1977, le chiffre secret qui autorisait les présidents américains à lancer un missile nucléaire était 00000000. Je sais pas si j'en ai fait assez, mais avec comme un groupe de zéro. Wow. C'est le mot de passe pour lancer un missile nucléaire. En même temps, tu te dis, ça doit être quelque chose de vraiment compliqué. C'est ça, ça c'est sûr que c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. Tu mets des cracks là-dessus, ouais. Une chance qu'il n'y a pas de caractère de lettre, ça aurait été password, j'imagine, leur mot de passe. Puis lui aussi, il laisse ses clés de la Maison Blanche dans la porte. Avec un gros bouton rouge, appuyé ici pour déclencher une guerre. Un mot, encore une fois, devinez, Jean-Philippe, celui-là, c'est Pepier, P-E-P-P-I-E-R. Qu'est-ce que ça veut dire, Pepier? Oui, ben c'est ça. Je t'ai dit que je suis allé faire des commissions. Ouais. Fait que ça, c'était hier. J'ai acheté entre autres du papier pour imprimante. Fait que j'ai acheté du papier hier. Pepier. Trois-Rivières. Ça fait Diego Brunel, je trouve. Vraiment. Donc, Pepier, c'est un serveur dont le seul travail est d'offrir aux gens au restaurant du poivre. OK. Tu sais qu'il passe à ta table avec l'espèce de gros manche. Là. Oui. Trois-Rivières, si vous voulez du poivre. Ça. Oui. Ça, des fois, c'est le serveur, mais il n'y a pas la poivrière. Il est quand même un gros manche. C'est moi. C'est ça. J'ai juste un gros manche. C'est moi. Il sort des substances noires, secs, sèches. OK. Un de ses hobbies à Angelina Jolie. Tu connais Angelina Jolie? Ben oui, qui ne la connaît pas? Voilà. Qui? Donc, un de ses hobbies, un de ses passe-temps, c'est de collectionner les couteaux et les livres en première édition. Tu sais, la première édition d'un livre, elle collectionne ça. C'est cool quand même. Ah ben oui, chacun ses trucs. Ça, et les couteaux, là. Les couteaux. C'est un peu violent. Ouais. Les moufettes domestiquées font de très bons animaux de compagnie. Oui. Ils sont très gentils, câlinants, genre, ils vont te coller et tout ça, puis ils sont super intelligents, sauf qu'il faut faire enlever la glande qui va les faire squirter. Oui. La glande qui puse. Qui lui puse. La raison d'être à l'origine de la British Summer Time, ça c'est l'heure d'été en Grande-Bretagne, était de faire avancer les horloges de 80 minutes, 20 minutes à la fois sur une période de 4 semaines. Tu vois, comparé à aujourd'hui où on avance et on recule d'une heure, 20 minutes par semaine sur 4 semaines, là ça devient supportable quand même. Oui. On s'habitue mieux. Ça doit être vraiment bizarre. Oui, vraiment. Mais ouais. Un drôle de système quand même. Ouais. Au moins, tu sais, je l'aurais mis à une demi-heure. Une demi-heure. Ouais. Comme dans les maritimes. Ben oui, c'est ça. Une demi-heure des de. Des fois, c'est une heure. Des fois, c'est une heure et demie. C'est une heure. Il y en a que c'est une heure et demie. Ça dépend de la province, je pense, non? Non. Il n'y a pas une province, non? Ouais. Ben, je pense pas, là. Non, je pense pas. Ben. Là, tu me. On se titille sur des faits qu'on connaît pas. Ensuite, lorsque le Vésuve. Tu connais le Vésuve, c'est un volcan. C'est le volcan. Le volcan. Donc, le Vésuve a fait éruption en 79-80. La chaleur intense a fait que les cerveaux des gens près ont explosé. Ah. Les cerveaux des gens. Comme dans les films. Ouais, à Herculaneum, l'endroit, c'est une ville. Les deux plus vieux chats. À jamais avoir été, dans le fond, vivant aussi longtemps, selon les dossiers et les records, Guinness. Ils ont vécu jusqu'à 38 et 34 ans, les deux plus vieux chats du monde. Les deux étaient la propriété du même propriétaire et vivaient avec sur une diète de bacon, d'œufs, de brocoli et de café. OK. Bonne diète. Oui. J'approuve. Tu penses qu'il y avait tellement un gros ventre que leurs pattes ne touchaient pas sur le côté? Oui, c'est ça. Oh. Il y avait une planche à roulettes. Oh, c'est des Kenny de Cat. Oui. Kenny de Cat. Les éléphants violent et tuent les rhinocéros. Il y a eu au moins 63 exemples dans le parc Pilanesberg, juste dans ce parc-là, d'éléphants qui violaient et tuaient des rhinocéros. OK. Des rhinocéros. Man. Ils sont wild. Ben, tu sais, c'est kinky pas mal, ça. Oui, quand même. T'imagines-tu? T'es genre. T'es au parc safari avec tes enfants, puis là, tu vois. Ah, il y a comme deux. Ah non, c'est pas deux rhinocéros, c'est. Voyons, le rhinocéros, il a pas l'air qu'on s'entend. Ouais, il a pas l'air de ça. Puis Kenny de Cat à côté qui regarde, oui. Fait comme blum blum avec ses pattes. Oubliez-moi pas. Oubliez-moi pas. Moi aussi, j'aime ça, Kiki. Les requins possèdent un organe sensoriel qui leur permet de ressentir des signaux électriques générés par les contractions musculaires de leur proie. OK. Leur battement de cœur, etc. Ils peuvent détecter ton battement de cœur aussi, les requins. Donc, c'est pour ça que des fois, il y en a qui vont peut-être se faire tuer par les requins. Ça peut arriver. Le mot tragédie. Veut littéralement dire, on n'a pas l'origine du mot, malheureusement, mais à l'origine, ça veut dire chanson de chèvre. Personne ne sait pourquoi c'est devenu le mot tragédie. Ah ben, c'est quelque chose, hein? Eh ben. Ensuite, en 2009, deux mères qui étaient en chicane, des mères, là, on parle des mères meilleures. Ah, OK. Non, pas des mères parents. Des meilleures. Meilleures, exactement. En France, on déclarait que la même route était un sens unique, mais dans l'autre sens de l'autre, parce qu'il était en chicane. Donc, c'est un sens unique par là, non, c'est un sens unique par là, débrouillez-vous, tu sais. Très drôle. Dr. Seuss, on le connaît pour Le chat dans le chapeau et ses autres contes comme ça, qui ont été refaits en film après ça. Dr. Seuss prononçait son nom pour qu'il rime avec Rejoice. Donc, c'était Dr. Seuss. Seuss. Comme une sauce soya. Oui. Dr. Seuss. Ouais, j'y allais là. J'allais là. C'est ça, on rit plus. Non, rit plus. Mais non, Dr. Seuss, en français, on dit Dr. Seuss. En anglais, on dit Dr. Seuss. Mais apparemment, c'est Dr. Seuss. Le dernier duel à épée en France. Ça, c'était cool, les duels à épée. Ben oui, fallait être là. Fallait être là. Ça s'est passé le dernier en France entre Gaston Defer, qui a insulté René Ribière au Parlement français en 1967. C'est récent, là, un combat à l'épée. Oui, quand même. Je sais pas si c'est parce qu'il était accroché sur le mur, les épées comme décoration, puis ils ont levé. Ouais, moi, je pensais que c'était dans James Bond. Ouais, le dernier. Oui, je m'imagine. Allez, oui. Allez, monsieur Defer, je vous provoque en duel. J'aime ça, monsieur Defer, en plus. Oui, c'est quand même cool. Ouais. Il était de glace. Les chimpanzés peuvent identifier d'autres chimpanzés qu'ils connaissent en regardant les photos de leurs fesses. Regarde mes photos de vacances. Tu connais-tu ma tante Pauline? Oh. Wow, PowerPoint. Tout à l'appui? Ouais. Ouais. Ouais. En tout cas. Bravo, les chimpanzés. C'est épuisant. Ouais. Un autre mot à deviner, Weeple, W-H-E-E-P-L-E. Weeple, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais on dirait une marque de mayonnaise. Weeple, la toute nouvelle Weeple de Kraft. Oui, vraiment. Ou de la sauce, genre, je vais la Weeple. La sauce Dr. Seuss. Oui, ça doit être à cause de ça. C'est ça. Non, Weeple, en fait, c'est quand un homme essaie de siffler très fort, mais qui est pas très efficace. OK, un peu comme ça. Oui. Ça, c'est aussi une photo des fesses de chimpanzé, je pense. C'est la version sonore. C'est un vein. Et ça se répète en boucle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, une compagnie d'homéopathie a dû retirer leurs produits parce qu'ils contenaient des vrais médicaments. OK. Sans le savoir. C'est fait comme ça, sans le savoir, il y a mis des vrais médicaments dans leur homéopathie. Oups. Oups. Eh ben. En Albanie, c'est un pays, ça. Le langage là-bas a 27 mots différents pour décrire des formes de moustaches. OK. Tiens. Mets-toi une moustache, tu sais, t'as une poignée de bicycle, t'as. Un shocker. Ça, je connais pas ça. OK. Pour conduire assez rapidement pour que ta plaque d'immatriculation soit invisible aux caméras qui regardent ces affaires-là, les caméras de vitesse, tu aurais besoin d'aller à environ 119 000 à l'heure. 119 miles per hour in the kilometers. Ça nous donne... Ah, quand même. D'habitude, ça marche tout le temps quand je le fais comme ça. Ça fait 191 km/h, donc on inverse deux chiffres. OK. 191 km/h et tu serais invisible aux caméras de sécurité. Incroyable. Un autre mot à deviner, tu sais. Laisse des pauses une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Umpalo. Skepsis. Umpalo-skepsis. Umpalo. OK. Là, j'ai... Ouais. Dans Charlie la chocolaterie, oui. les nains, c'est des Umpalumpas. C'est vrai, ça. Umpalo. Puis c'est quoi, après? Skepsis. C'est dur. En tout cas, c'est un rapport avec des nains de la chocolaterie. Ils sont six, sûrement. Oui. C'est ça. Merci. Umpalo-skepsis, c'est quand tu te regardes le nombril toi-même. Ah. Oh, est-ce que tu as le droit d'utiliser un objet? Pour te regarder le nombril, genre des jumelles, parce qu'il est tellement loin, parce que tu as un gigantesque ventre. Non, mais mettons un miroir. Ou tu te fais des selfies de nombril. OK. Ouais, sûrement tu peux. Ça doit compter. En tout cas, tu regardes le nombril. C'est ça. Ouais. C'est bon. Si tu regardes les nombrils de d'autres chimpanzés, là, je sais pas. Tu peux les reconnaître. C'est du mauvais bord pour reconnaître. T'es supposé aller par en arrière. Le système d'urination, donc pour uriner chez les astronautes au début, dans le fond, des voyages dans l'espace. Une chop vac. c'était des condoms. OK. Donc, il y avait des gros, des gigantesques et des énormes, parce que les astronautes n'auraient pas choisi les petits. Donc, ils faisaient des gros gigantesques et énormes. Et puis, c'était tu mettais ça tu mettais ton condom, puis ça, tu pouvais uriner par... OK. C'est le fun, hein? Oui. Il fallait savoir, ça. Un chimiste du Dakota du Nord a prescrit un petit spray, et on voit la bouteille sur assemblagerequis.com, un petit spray anti-monstre pour une petite fille qui n'arrivait pas à dormir. Oh. Il a prescrit un petit spray, genre, c'est marqué genre « Spray around the room ». Genre, avant de te coucher, mets du spray partout dans ta pièce et répéter si nécessaire. C'est fin. Oui, c'est drôle. C'est cute. C'est cute. La saveur de lavande. Ça va. Tu sais, tu mets un petit parfum, là, tant qu'à faire. C'est ça. Tu peux le faire sentir à lavande, mais quand ça goûte à lavande, c'est encore mieux. T'sais. Oui, saveur. En Grèce antique, on fabriquait des dildos à base de pain. De pain le bois ou de pain? De pain le pain, comme pour manger, pain pompon. Ah oui. Les deux pompiers dans l'émission pour enfants. Oui. Les didos, ça fait partir de... De là. De deux autres. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des miches. Des miches. Ensuite de ça, tiens, les femmes à l'époque victorienne. Attends un peu. C'est quoi ça? Ah, c'est ça. C'est les femmes à l'époque victorienne, oui. Ils mettaient des pins, genre des trucs qui piquent, là, genre oui. des punaises, si on veut, dans leur bouche pour éviter de se faire embrasser dans le noir quand le train passait à travers un tunnel. Donc, quand ils passaient dans un tunnel, ils se mettaient ça dans la bouche pour que si un gars leur sautait dessus pour les embrasser, ben, ils se faisaient piquer. C'est vrai, c'est l'époque victorienne. Eh ben. On a la preuve. Il mettait du verre coupé. Il passait à mâcher de la vitre. Yeah! Voyons, c'est bien drôle, ça. C'est bien drôle, ouais. Un autre mot à deviner, turtle, T-A-R-T-L-E. Turtle? Turtle, T-A-R-T-L-E. Mais si c'est plus drôle d'y aller avec turtle, c'est comme tu veux. Je sais pas. Tu veux dire que c'est un Pokémon, tu peux aussi, t'as tout le droit. Ouais, turtle, je sais pas. Non, celle-là, ça m'inspire pas. Non, bah, turtle. Donc, turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, c'est un mot écossais qui veut dire le moment de panique quand tu présentes quelqu'un à quelqu'un d'autre et que tu réalises que t'as oublié le prénom de la personne. Ah oui. C'est triste, ça. Oui, ça, tu peux toujours t'en sortir en disant, ben, je vais vous laisser vous présenter vous-même. C'est ça, j'ai un lancé de souliers attaché. Oui. Personne ne connaît la grandeur d'Internet au complet, mais en 2010, Google estimait qu'ils avaient indexé seulement 0,004% de l'information qui est disponible en ligne. OK. Wow. Mon Dieu. C'est presque rien. Un autre mot. Zenzik. Y a-tu vraiment Zenzik? Ou c'est Zenzik? C'est Zenzik avec un ça, c'est une formule magique. dans Harry Potter. Okay. Version... Zenzik. Version quelle langue qui pourrait fitter? Version chimpanzé. Oui. Chimpanzé, zenzi. Ouais. Puis là, il te montre ses fesses. C'est, ah, c'est toi! C'est toi, je t'ai reconnu! Donc, Zendi, que c'est la huitième puissance d'un nombre. Ça a été inventé par Robert Record, qui existait entre 1512 et 1558. C'est l'inventeur aussi du signe égal. Ah. Il a inventé Zenzik. C'est donc la huitième puissance d'un nombre. Zenzi par-ci, Zenzi par-là. Internet. Ça, tu vois, Internet Work, tu dis que ça veut dire ça, mais ça veut dire Inter-System Networking. Ah. Internet. Siolisme. Qu'est-ce que ça veut dire, siolisme? S-C-I-O-L-I-S-M. Siolisme, ça, tu peux prendre ça si jamais tu as des problèmes pour... C'est comme le Cialis, là, mais... pour les incapacités à chouiner. Oui. Mais t'as l'air de tellement connaître ça, c'est en fait une façon prétentieuse de montrer sa connaissance superficielle. OK. Tu connais pas grand-chose, mais t'es prétentieux, puis tu dis, hey, moi, je connais ça. Ben oui, je connais ça. Je connais ça, c'est évidemment... Mathieu, j'étais là. Un médicament. Hein, contre, ben oui. C'est contre, ben, vous savez, là. Quand t'es pas capable je vous laisse vous présenter. voilà pour cette première partie de cet fait. Ah, génial. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et puis, on se pose la question, et si des arbres bioluminescents remplaçaient l'éclairage public, hein? Wow! Un nouveau projet du designer et architecte néerlandais Dan Rosegaard, qui allie botanique et génétique dans l'objectif de créer des arbres bioluminescents capables de remplacer les lampadaires la nuit. Moi, je trouve que c'est génial, sérieusement. Lorsqu'il s'agit d'innover, Dan Rosengaard ne manque pas d'imagination. Pour améliorer le quotidien, ce designer et architecte néerlandais n'hésite pas à se lancer dans des projets technologiques et futuristes, frôlant parfois l'extravagance. On lui doit ainsi l'idée d'un aspirateur géant anti-pollution ou encore celle de vêtements lumineux avant-gardistes. Sorti tout droit de son inventivité débordante, la dernière trouvaille de l'artiste allie à la fois botanique et génétique. L'idée est en effet d'utiliser les propriétés bioluminescentes de certaines bactéries marines afin de créer des plantes capables de briller dans la nuit. Le designer prévoit de surcroît un agencement particulier de ces plantes entre elles de manière à créer un arbre. Que pouvons-nous apprendre de la nature et l'appliquer à la construction, aux routes, aux espaces publics, aux paysages urbains? C'est ce qu'a expliqué Dan Rosegaard au site Dan Dazen. Pour imaginer la mise au point de ces nouvelles installations, le Néerlandais a fait appel à des membres de la State University à New York ainsi qu'au chercheur Alexander Grishevski, pardon. Spécialiste en bioluminescence, le scientifique est le créateur de Starlight Avatar, des plantes génétiquement modifiées pour briller dans le noir, déjà commercialisées par la société BioGlow. Ces nouvelles plantes, créées en mélangeant l'ADN des chloroplastes, des organites, présents dans les cellules des plantes, avec celui des bactéries aux propriétés lumineuses. De la lumière émise par ces nouveaux organismes est très similaire à celle produite par des lucioles. Dans la vidéo que je vous propose sur la page Facebook du Dîner de con, Dan Rosengaard présente son projet et ses applications. Selon lui, les arbres lumineux pourraient être utilisés pour remplacer les lampadaires, une solution qui serait à la fois écologique et poétique. Mais c'est vraiment très, très beau, hein, l'idée qu'on pourrait avoir une rue comme ça, c'est génial. Néanmoins, les végétaux ne seraient pas aussi efficaces que l'éclairage public avec une luminosité 1000 fois moins importante. De plus, seuls de petits spécimens ont été conçus pour l'heure. L'équipe travaille actuellement à créer des spécimens de la taille d'un vrai arbre. Ce serait incroyablement fantastique de voir ces paysages à la fois énergiquement neutres et incroyablement poétiques, a commenté toujours le Néerlandais. Hein? Pourquoi pas remplacer les arbres par des arbres bioluminescents et remplacer donc les lampadaires. Vraiment, l'idée est géniale, quoique vraiment spectaculaire et un peu incongrue, hein, on pourrait dire ça. Des archéologues dévoilent... Oh, Seigneur, est-ce que je m'en vais là-dessus? Non, on va se garder ça un peu plus tard. On va se garder une petite gêne. Parce que, me semble, c'est beaucoup, beaucoup de stock. On y va avec combien de personnes faudrait-il envoyer pour coloniser un autre système solaire ou même une autre planète, d'après moi? On pourrait juste aller là. Mettons, un autre système solaire, c'est quand même loin. Mais mettons, sur Mars, Comment devrait-on envoyer le monde pour que ça puisse fonctionner? Eh bien, la colonisation d'autres systèmes solaires est un sujet d'étude sérieux depuis de nombreuses décennies et découle d'une observation simple. La Terre n'est pas un endroit sûr à long terme et la survie de l'humanité pourrait un jour dépendre de notre capacité à changer de maison. Mais les recherches se heurtent à un défi pour le moment insurmontable, la gigantesque distance qui nous sépare du système solaire le plus proche, qui s'appelle Proxima Centauri, situé à 4,2 années-lumière de notre Terre. Parcourir une telle distance nécessiterait un vaisseau générationnel, c'est-à-dire un appareil dans lequel les générations entières d'êtres humains pourraient vivre, naître et mourir avant même d'arriver à destination. Ce qui pose une question cruciale, c'est combien de personnes devrait-on envoyer dans un tel appareil pour arriver à destination, tout en maintenant une diversité génétique suffisante? Selon les calculs de Cameron Smith, un anthropologue de l'Université d'État de Portland aux États-Unis, eh bien, il faudrait au moins 10 000 personnes pour y parvenir, voire idéalement c'est 40 000 personnes pour parer à l'éventualité d'un taux de mortalité élevé pendant le voyage. C'est ce que rapporte le site Popular Mechanic. Cette nouvelle estimation, parue dans la revue scientifique Acta Astronomica, dépasse très largement la précédente effectuée sur le sujet en 2002 par John Moore, un autre anthropologue américain. Selon John Moore, lui, une population de 150 à 180 personnes suffisait pour se reproduire sur 60 à 180 générations, soit un voyage de 2000 ans, à condition de faire à condition de faire attention à ne pas se reproduire de manière incestueuse. Mm-hmm. Cameron Smith a utilisé des scénarios plus ou moins optimistes et de survie et a notamment montré qu'un groupe de 150 personnes ne maintiendrait pas assez de diversité génétique en son sein pour rester en bonne santé. Au contraire, une population de 40 000 personnes garde une diversité à 100%, tandis qu'une population de 10 000 reste aussi assez diverse, semble-t-il. Smith s'est également intéressé aux potentielles catastrophes, épidémies, guerres, collisions, problèmes mécaniques et a conclu qu'il serait plus judicieux de répartir les colonisateurs sur plusieurs vaisseaux. Il conclut, avec 10 000 individus, vous pouvez partir avec une bonne dose de diversité génétique, survivre à une épidémie grave et peut-être même arriver avec assez de gens et de diversité pour donner une chance à l'humanité 2.0. Vraiment bien intéressant de se poser des questions comme ça. Hein, c'est de la recherche fondamentale, c'est pas une application immédiate. Très important, la recherche fondamentale dans nos universités et dans nos centres de recherche. Hein. Faut pas oublier ça. Faut pas que l'éducation devienne une part de l'industrie privée, hein, quand même. Ici, ça, c'est un autre truc très, très, vraiment extraordinaire qui est arrivé en fin de semaine. Moi, en tout cas, c'est là que je l'ai saisi, cette nouvelle. C'est ce site archéologique brésilien qui perturbe les modèles en cours, hein. Il arrive parfois que de belles découvertes archéologiques constituent rapidement de véritables casse-têtes pour les chercheurs. Que faire quant au nombre réduit d'abris sous roches chamboule complètement l'état des connaissances au Brésil dans le parc national Serra Capivara, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Des peintures rupestres et divers autres indices indiquent une présence humaine bien plus ancienne que prévue dans le Nouveau Monde. Le New York Times a récemment publié un article sur le sujet. Selon la théorie dominante, l'Amérique aurait été d'abord peuplée il y a 13 000 ans par la culture de Clovis, du nom d'un site archéologique au Nouveau-Mexique. Elle est arrivée depuis l'Asie par le détroit de Bering, alors émergé. Or, certains outils des sites brésiliens remonteraient à 22 000 ans et un crâne vieux de 11 000 ans étudié par Walter Nevy de l'Université de Sao Paulo présente davantage de ressemblances avec ceux des aborigènes australiens qu'avec ceux des Asiatiques. Les archéologues du Nouveau Monde se déchirent violemment sur la question. Certains, comme Gary Innes de l'Université du Nevada, n'hésitent pas à déclarer que ces outils auraient pu être façonnés par des singes. Il faut dire que des analyses ADN mettent bien en valeur l'existence d'un lien entre les populations indigènes d'Amérique centrale et d'un enfant de la culture de Clovis mort il y a 12 700 ans. Une étude de 2013 montre à l'inverse des liens génétiques entre les Amérindiens Botocudo et des Polynésiens, justement, dans le coin de l'Australie. La contestation d'un modèle unique basé sur la culture Clovis prend donc de l'ampleur et s'étaye d'éléments concrets. En novembre, un site uruguayen, aurait montré un peuplement humain vieux de 30 000 ans, tandis que des charbons tirés d'un foyer découvert à Serra Capivara ont été datés d'environ 48 000 ans. Aïe aïe! Si ces théories sont vérifiées, ceux qui ont vécu à Serra de Capivara n'ont pas transmis leur patrimoine génétique aux populations d'aujourd'hui, explique le New York Times. Michael Waters, Université A&M du Texas. Nous devons réfléchir longuement et profondément sur ces anciens sites et comment ils s'insèrent dans l'histoire du peuplement des Amériques. C'est un mystère qui plane et qui planera encore bien longtemps, je crois. Hein? Ça, c'est pas mal sûr. Tiens, on va se faire une petite nouvelle ici qui date depuis longtemps. On a enfin un résultat à cette nouvelle. C'est Emmanuel Gibolo qui avait refusé de traiter ses 10 hectares de vignes malgré l'obligation imposée par la préfecture après la découverte d'un foyer de flavescence dorée. Ce viticulteur bio de la Côte d'Or a été condamné lundi à 500 euros d'amende ferme pour avoir refusé de traiter ses vignes contre une maladie, la flavescence dorée. Sa peine a été assortie d'une amende avec sursis de 500 euros. Et là, je cite ce monsieur, il dit « Je me sens pas du tout coupable, c'est l'intolérable d'aujourd'hui d'être obligé de se masquer, d'être dans la peur quand on assume une position », a déclaré à la presse Emmanuel Gibolo à l'issue du délibéré. Le viticulteur qui pratique la biodynamie depuis les années 70 a annoncé son intention de faire appel. Il encourait 6 mois d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 euros d'amende. Oh, une chance qu'il y en a juste eu 500. L'affaire avait débuté au printemps 2013 avec la découverte, c'est ce que je disais, ça fait un an à peu près de ça, avec la découverte du foyer de flavescence dorée, une maladie mortelle pour la vigne véhiculée par un insecte, la cicadelle près de Beaune, et qui avait conduit le préfet à imposer de traiter tous les vignobles du département. Emmanuel Gibolo, avait refusé de traiter ses 10 hectares qu'il emploie en côte de Beaune et en haute côte de Nuit, même à la pyréthrine, un pesticide naturel autorisé dans la filière bio. Après un contrôle en juillet de la Direction régionale de l'agriculture, il avait été convoqué devant la justice. La pyréthrine, qui n'est pas sélective et tue la faune auxiliaire, ne doit être appliquée que si l'on n'a pas le choix, à répéter le viticulteur devant une centaine de militants écologistes réunis devant le tribunal de Dijon pour le soutenir. Parmi les manifestants, une femme brandissait une pancarte « Nous sommes tous des gibolos ». On ne peut plus banaliser les traitements, a plaidé le viticulteur. Preuve, selon lui, une application de ce produit n'était pas indispensable dans le périmètre de mes parcelles. Il n'y a pas de pied de flavescence dorée qui s'est exprimé. Représentant de la commission viticole à la Confédération paysanne, Vincent Talmot a fustigé l'administratif qui gagne sur le paysan par cette condamnation. Le principe de précaution est dévoyé puisqu'on impose l'usage préventif de pesticides sans menace avérée au détriment de la santé des travailleurs et des consommateurs. C'est ce qu'a dénoncé l'eurodéputée Sandrine Bélier, présente aux côtés de Gibolo. Cette réglementation doit être revisée impérativement. Elle est responsable d'une situation absurde où on condamne le vigneron qui a fait le choix de produire dans le respect de la nature et de la santé, a-t-elle ajouté. Assez particulier, hein, quand même. Le porte-parole de ELV, Julien Bayou, a prévenu dans un communiqué que le scandale des pesticides vecteurs de maladies professionnelles pourrait être le nouvel amiante. Lors des audiences en février, le directeur régional de l'alimentation des agricultures, Jean-Roch Gaillet, avait pour sa part assuré que des cas de flavescence dorée avaient été détectés dans les communes voisines à Pontmarre, à Volney, à Saint-Aubin et à Meursault. Les mesures de traitement avaient été prises, selon Gaillet, en accord total avec la profession, y compris avec la filière bio. L'affaire a suscité une vive polémique au sein de la profession viticole qui s'est désolidarisée de Gibolo dans la même filière bio, déplorant la mauvaise publicité faite aux vins de la région. Dans un communiqué, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne a estimé qu'après la condamnation de Gibolo, cette affaire était désormais close. La profession préfère se concentrer sur la lutte contre la flavescence dorée, qui reste un enjeu majeur pour le vignoble bourguignon. Et la volonté de l'ensemble des acteurs impliqués est de réduire au minimum le nombre de traitements incesticides. Insecticides, c'était un bon album, ça, de Nirvana. Et insecticides, oui, ainsi que la surface concernée. Rappelons qu'à ce jour, il existe, hélas, aucune alternative pour lutter contre cette maladie très épidémique et mortelle pour la vigne. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Ce qui nous ramène, c'est un fer. Je sais pas ce que j'ai ce matin. Ah ben, c'est lundi. Ben oui. Je siffle aussi. Oui. En parlant. Moi, je chante. C'est un fait. C'est un fait. Clap, clap. Fallait être différent. Toc, toc. Miam, miam. Aile de poulet. Aile de poulet. Wow, Jean-Philippe, on ne s'accordera pas sur cette chanson-là, je pense. Non, non, non, moi j'étais en dos, t'étais clairement en mi. Clairement, là, c'est. C'est possible, ça. Oui, en mi. Voir que je sais ça, moi. Voir que je sais ça. T'as juste à dire oui, convaincu. Bémol, c'est pas une sorte de crème à la glace. Non. Donc, c'est un fait, la collecte des choses véritables et vérifiables. On a beaucoup de c'est un fait aujourd'hui. Je pense qu'on va faire une grosse partie de l'émission là-dessus, mais c'est notre classique du lundi. Oui, à chaque journée, en sa thématique. Savais-tu que, bon, tu connais la Ligue nationale de hockey, la National Hockey League, et il y avait une rivale à ça. C'était la World Hockey Association qui existait entre 1973 et 1979. OK. Je ne savais pas. Pas moi non plus. Le mot travel, voyage, vient du latin qui veut dire torture. Pourquoi? Aucune. Torture. Parce qu'avant, dans les avions, c'est encore plus petit, l'espace, puis tout, la bouffe. C'est ça. Mais les hôtels de l'air rétro, on s'entend que ça, c'était sexy. Ah, oui. Les reines, là, on parle de l'animal, les reines du Père Noël. Là. Donc, les reines aiment manger des champignons psychédéliques. Donc, c'est ça, ils aiment manger ça. Ça pourrait être l'origine, d'ailleurs, pour les... rouges. Du reine qui vole. Ils volent à cause de leur high de drogue, nous dit-on. Bon, ben, c'est le fun. C'est le fun parce que c'est les reines qui volent. C'est eux qui ont mangé les champignons. Ouais. Ben, pourquoi la personne a fait « Oui, les reines, ça vole! » Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit cette histoire-là, tu sais. C'est pas le reine qui a dit « Ouais, ben, hier, j'ai volé. » Ouais, et aussi, tu sais, les reines qui volent, alors que c'est bizarre parce que d'habitude, c'est eux autres qui donnent. Ben oui, c'est... Avec le Père Noël, tu comprends. Ils donnent au lieu de voler. Non, non, non, non. Une autre origine de mot, le mot avocado, avocat, hein, vient du mot aztèque hawa cattle, qui veut dire testicule. OK, ben ça doit être à cause du noyau à l'intérieur. Oui, sûrement. C'est un gros noyau en plus. Hein, oui. C'est grosseur testiculaire, real life, life size. Hein. Oui. Genre, tout, si tout, tout, là. Un autre mot, celui-là, tu vas devoir le deviner, tiens. Yeah. Des fois, je sais pas, des fois, tu sais. Des fois, dès le départ, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Chémo. Medjamo. Chémo Medjamo. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Tu peux pas savoir. Chémo Char, ça? Oui. C'est Chémo. Chémo. Chémo. Ah non, attends. Mais t'as compris-tu celle que je viens de faire? Non. Ah ben, je vais te faire un Chémo. Ah, Chémo! Ah, parce que je pensais que ton véhicule, c'était un Chémo. Ah! Un Chémo. Ah, ça aurait pu. Puis la deuxième partie, c'est quoi? Medjamo. Medjamo. En tout cas, pyjama, quelque chose. Oui, c'est ça. Je te fais des schémas en pyjama. Des schémas en pyjama. Schémas. Oui, voilà. C'est un mot géorgien, donc le pays, la Géorgie, qui veut dire manger jusqu'au point où t'es rempli et continue de manger parce que la nourriture est tellement bonne. Ah, OK. Comme au buffet. C'est comme au buffet. La sixième assiette n'est pas nécessaire, mais t'apprends. Elle fait du bien. Oui. Le groupe des droits des animaux, PETA, dit que les vaches peuvent souffrir d'humiliation si les gens rient d'elles. Oh. C'est un peu triste. Ben, c'est un peu triste. C'est pas la plus grande torture au monde, là. On s'entend? Ah, tu sais, j'ai jamais vu non plus quelqu'un s'acharner sur une vache. Non. En riant, tu sais. Non! T'es picoté! L'ornithorynque était considéré comme un mythe. Un peu comme Bigfoot et le Yeti et tout le reste. Donc, l'ornithorynque, le platypus, était considéré comme un mythe dans le temps. Donc, si ça existe maintenant, l'ornithorynque, peut-être que le Bigfoot et le Yeti existent pour de vrai. Si. Tiens, s'il y avait de l'eau sur la Lune, s'il y avait de l'eau sur la Lune et que tu étais là-bas avec une paire de flippers, comment on appelle ça? Des palmes. Palmes, voilà. Si tu étais là avec tes palmes, tu serais capable de courir sur l'eau. Ah. À cause de la gravité. Ah, ben oui, okay. Donc, tu pourrais courir sur l'eau si t'avais une paire de ces... C'est ça, Moïse. Il était sur la Lune. Moïse était dans la Lune. Oui, il était dans... l'État de l'Ohio offre un cours Sports for the Spectator. Les étudiants se font apprendre comment être un bon spectateur de matchs sportifs, bien informé et qui apprécie le sport qu'ils regardent. Ah donc, comment être un bon spectateur. OK. J'adore ça. J'adore ça. Dans les années 70, en Thaïlande, il y avait plus de 100 cas de femmes qui ont amputé les engins masculins de leur mari infidèle. Certains étaient donnés aux canards à manger. Aux canards? Aux canards. Tu sais? Ouais. Je sais pas pourquoi donner ça aux canards. Je pensais que c'était herbivore, moi, un canard. Ouais, je sais pas. En plus, c'était en Thaïlande, je veux dire. Du Thaïlandais, on s'entend que c'est bon. Maudit, tu as un petit peu de son général Tao là-dessus, là? Ben oui. Avec un petit peu de tempura ou de panko dessus, là. Tu pourrais manger du canard fourré à couilles. À couilles. Les hommes se disent plus attirants quand ils ont bu de l'alcool. Donc, se cotent sur une échelle de 0 à 10, mettons, se cotent comme plus attirants lorsqu'ils ont bu de l'alcool. Ils vont aussi se coter comme plus attirants quand ils vont, quand ils pensent avoir bu de l'alcool. Donc, quand on leur donne du placebo, ils vont quand même dire qu'ils sont plus beaux après avoir bu, entre guillemets. C'est quelque chose, l'effet placebo pour eux. Oui, quand même. Un autre mot du jour, ostrobogulus. Ostrobogulus, on va le dire en français. Ostrobogulus. Ostrobogulus, ouais. Ça peut t'aider prochainement. Ostrobogulus. Ostro. Ostro, OK. Tu sais, quand tu dis, ah, il va y avoir une, un truc astral. OK. Donc. Pluriel. Oui. Oui, astro. Hey, là, je suis perdu, Mathieu. Je suis vraiment allé loin. Bogulus. OK. Donc, ostro. Ostro difficile d'en trouver un. Ostro, OK, oui. OK. Buggle, c'est un jeu. Oui, avec les dés. Avec les petits dés. Donc, ostro buggle pour moi. Ostro buggle. Ostro buggle pour moi. Puis, si on veut finir avec lousse, je pourrais dire, ben, on a été lousse. Tu m'as complété. C'est ça. J'étais lousse. C'était ostro buggulus. Voilà. Non, en fait, la vraie définition, pour ceux qui la cherchent, c'est quelque chose de bizarre et d'intéressant. Okay. Ostrobogulus, ça c'est bizarre et intéressant. Okay. Pogonotrophie. Ben là, c'est facile. Ben oui. Ben oui, Pogo. Pogo. C'est écrit sur le bâton, c'est un vrai. Puis trophie, ben c'est série. Je sais pas pourquoi trophie. C'est un trophée pour en manger autant oui, de Pogo. C'est ça. Oui, c'est bon. Il est fait avec des bâtons de popsicle, mais de Pogo. Oui, et c'est pas des vrais Pogo parce que ça dit dans le mot Pogono. Ah non. Non, Pogono trophie. C'est cultiver sa barbe, Pogono trophie. Ah, OK. Ça, rien à voir. Ben, tu peux mettre du ketchup et de la moutarde dessus si tu veux, là, pour l'entretenir, c'est comme tu veux. Pogono trophie. Voilà. Le cheval de course... Poteau! OK. P-O-T-O-O-O-O-O. Okay. OK, oui. Devine pourquoi il a été nommé Poteau! Mais là, j'hésite. Je me dis que la raison drôle, c'est que probablement que il a genre fait un... Il a crié genre pendant que quelqu'un l'a appelé. Ou parce qu'il y a une vilaine manie de foncer dans des poteaux. Ah, non. Non, en fait, je te donne l'indice qu'il y a 8 O à la fin. Poteau. Ah, parce qu'il a répondu. Ah, oh, ben, c'est. Il a gagné une course. Fait que c'est l'argent. C'est comme les O, ça fait des zéros. Ça aurait pu être ça. C'est une très, très bonne idée. Moi, j'aurais mis mon argent sur ça, mais j'aurais eu tort de le faire. Donc, c'est quand la personne qui était responsable d'écrire le mot. Donc. C'est endormi. Non, sur le clavier. C'est que la personne a dit potato. Pot, aid, oh. Ah. Pot, puis 8 oh. Potato. Qui aurait fait ça, genre, pour de vrai? Là? Un illettré qui connaît juste la lettre P, la lettre T et la lettre O. Aido. Pot, aido. Potato. Ah. 8 oh. Pour de vrai, c'est impossible à trouver, là. Je veux dire, c'est innocent. Et pourtant, c'est dans les faits d'une source fiable. Donc, allez voir ça. Ouais, il y a même une page Wikipédia pour le cheval Potatoes de 1773, un cheval de course du 18e siècle. Qui est devenu donc très d'influence. Voilà, très d'influence. Ensuite, le terme slang des années 1920, loose ladders, faisait référence à des sideburns. Donc, on parle de favoris. De favoris. Très, très bushy, donc très, très genre frivole un petit peu, qui vont un petit peu partout. Loose ladders. Donc, ladders pour échelle. Loose, on va essayer de trouver la définition de loose, L-O-U-S-E. Loose. Fruit loose. c'est pas ça? Non, c'est un petit insecte. OK. Ouais, c'est ça. Loose, un petit insecte. Ouais. Et ben. C'est ça? C'est des bibites à fruits. Bibites à fruits. Fruit loose. Fruit loose. L'été s'en vient, on les voit sortir, les fruits loose. Oh, je trouve bon. Oui, bon. Le top 3 des marques les plus actives sur Instagram. Devine-les, s'il te plaît. Le top 3 des marques les plus connues sur Instagram, les plus suivies. OK, des marques. Moi, je pensais des... Non, mais comme les gens qui prennent des photos, moi, j'aurais dit du café. Okay. Parce que tu prends tout le temps une photo de ton café. Ouais, OK, good morning, sweetheart. Good morning, good morning. Moi, j'allais dire Marc Hervieux. Marc Messier. Oui, sans doute. Ça va voir tout là. Marc Perriard, l'ancien DG, fondateur de C'est Fou. Oui. Il y a lui aussi. On le salue. Attends, les marques. OK, ça doit être des marques de filles. C'est des marques de filles. Ça, c'est. Non? Non, étrangement, c'est même. Je dirais, ben, caractéristiquement, peut-être le contraire. Pas nécessairement. Mettons que c'est assez unisexe. OK. Alors, des marques. Nike. Nike est là-dessus, en effet. C'est numéro 1. OK. Puis après ça, c'est substitut, genre Adidas. Non, mais il y a une autre sorte de magasin de souliers. Ça peut donner l'indice. Les gens s'habillent en arbitre. Ah, Foot Locker. Foot Locker. Ah, oh, ouais. L'autre est un café. Un endroit. Genre Starbucks. Starbucks, exactement. Ouais, Nike, Starbucks et Foot Locker, les trois marques les plus actives sur Instagram. OK, qui sont plus actives. Les plus actives, et donc, ben, c'est ceux qui ramassent le plus de likes, petits cœurs et Mais toi, Foot Locker me surprend beaucoup. Moi aussi, en effet. Attends un peu, la date, où est la date? Le 4 avril 1964, les Beatles occupaient le top 5 sur le Billboard US. Au complet, top 5 au complet, 1964. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le mot mascara à l'origine vient d'un mot arabe mascarat, M-A-S-K-H-A-R-A-T, qui veut dire bouffon, quelque chose de ridicule. OK. Mascara. Eh bien. Le Rogaining, connais-tu le Rogaining? Rogaining. Tu l'as pas suivi jusqu'au bout, je trouvais que c'était pas assumé dans cette blague-là. Non, mais il fallait que je dise d'autres choses, puis là, je suis pas pour inventer des mots. Rogaine, c'est aussi, je pense, un shampoing ou quelque chose qui fait repousser les cheveux chez les gars, il me semble. Mais non, Rogaining, c'est le sport de la navigation d'un bout à l'autre du pays, donc sur longue distance, une évolution du sport qu'on appelait l'orienteering. L'orienteering qui demande des capacités de navigation assez excellentes en utilisant des cartes de papier et une boussole. Les étoiles. Même pas. Ah. Et une boussole pour naviguer d'un point à l'autre sur un terrain qui n'était pas familier. Donc, okay. Ça s'appelle de l'orienteering. C'est de l'orientation, finalement. Ben oui. Puis donc, l'évolution de ça et le Rogaining. Ah, c'est le fun. Ouais. La scientifique Angela Kohler a passé 9 ans à essayer de faire sortir du caviar, donc vraiment, OK, en massant l'esturgeon, le poisson, en massant pour essayer de faire sortir du caviar. J'ai failli faire un jeu de mots. Un jeu de mots, mais pas... Non, pas un jeu de mots, mais... Angela, c'est quoi son nom? Kohler. Je trouvais ça... c'est hot comme nom. Oui. Angela Kohler. Tu m'apprends qu'elle masse des esturgeons. Qui est un petit peu moins cool. Oui, c'est ça. Oh. Moins cooler. C'est moins cooler, Est-ce que pour le garder au froid, mais c'est dans son cooler? Je sais pas. On sait pas, il y a plein de jeux de mots faciles à faire. Oui, l'esturgeon. L'esturgeon. Lawn bowls, c'est un autre sport. On revient au sport. Lawn bowls, les bols de cour arrière, lance une cour, genre un gazon, un terrain. C'est un sport de précision joué sur du gazon où la cible, le but, OK, est de faire rouler des bols plus près d'une petite boule blanche qu'on appelle le jack. Donc, tu dois l'amener plus près que ton ennemi, ton opposant dans le jeu. Donc, il y a des vidéos de ça sur Internet. Lawn bowls, sport de précision. On joue sur le gazon et on doit faire rouler des bols plus près d'une bille blanche. Mais dans le fond, ça a commencé quand quelqu'un voulait vraiment jouer à la pétanque. Pétanque! Puis qu'il n'y avait pas de pétanque. Tout cher. Fait qu'ils ont genre fait bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va jouer avec des bols. Des bols. Ben oui. On a pas de problème. Facile. Ben oui. Mais ça ressemble, pour de vrai. On dirait que c'est les mêmes règles. C'est la même chose. Bon. Mais bon, en moins sûrement divertissant à regarder pour le public. Sûrement. Des bols. Le poisson de l'État de l'Hawaï. Tu sais, les États, des fois, ont un poisson. Hein. En fait, je sais pas s'ils en ont tous. Ça, je sais pas quoi. Mais à Hawaï, le poisson s'appelle le humu, humu, nukunu, kwapuara. OK? Et son nom veut dire le poisson qui a un nez qui ressemble à un cochon. Ah! Le poisson qui a un nez qui ressemble à un cochon. OK? Nukunu, kwapuara. OK. Puis là, ça, faut que tu fasses ça devant le miroir avec une mèche de cheveux de la fille. On dirait une formule magique. C'est vrai. Tu sais, comme quand t'es au primaire. Tu dois le dire trois fois. Là, oui, c'est ça. Et finalement, un mot qui a été créé de toutes pièces. On nous dit le mot du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Précupérate. Précupérer, si on veut. Précupérer. OK, c'est comme récupérer. Mm-hmm. Mais tu récupères avant. Donc, précupérer, ça voudrait dire... je vois les sourcils qui s'essayent. Il est chaud. Je suis là avec plein de bière. je me demande comment tu peux pré-récupérer. Est-ce que c'est en achetant quelque chose que tu te dis, ça, je vais pouvoir le récupérer? Je vais te donner le point, parce que c'est en partie bon. C'est de se préparer pour la possibilité d'être malade. Donc, tu achètes, mettons, des médicaments, tu te prépares à être malade, tu récupères. Donc, à la place de récupérer après, de tomber malade, tu vas récupérer. OK, moi, je parlais de récupération, par exemple, physique. Là, mettons, demi-point. OK, ouais, je mérite pas plus que ça, Mathieu. Pas plus que je suis sévère envers moi. T'es tellement, c'est ça. Wow, j'aurais jamais pensé que tu t'enlèverais des points, toi qui pourtant triche d'habitude. Oui, mais c'est parce que j'ai un demi-point, puis là, on va arrondir, fait que j'ai un point! À cause de la maudite scène. Oui. Voilà pour cet effet. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. C'est l'heure du midi, on est dans le nombril de cette journée, on y va avec des nouvelles qui ont rapport à la nourriture. Et puis, nourriture pour un n'est pas nécessairement nourriture pour l'autre, hein? On pourrait dire ça. Je vous parle de cet homme qui se nourrit que de briques, de boue et de gravier depuis 20 ans. Mais là, dans le titre, c'est qu'il ne se nourrit que de ça, là. Assez particulier. Donc, Pakirapa Unagundi, oui, un jeune Indien de 30 ans a développé une habitude culinaire assez peu courante. Cet homme, originaire de l'État du Karnataka, oui, dans le sud de l'Inde, se nourrit en effet exclusivement de substances non comestibles. Ses repas sont en effet essentiellement composés de boue, de gravier et même de cailloux et autres briques dans lesquelles il a pris l'habitude de croquer à pleines dents. Wow! Aujourd'hui, âgé de 30 ans, Pakirapa Unagundi aurait pris cette étrange habitude, My Strange Addiction. À l'âge de 10 ans, il dit avoir commencé à l'âge de 10 ans, je n'ai jamais souffert d'effets secondaires et mes dents sont en très bon état, a-t-il ajouté. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'homme semble en effet vivre tout à fait normalement malgré ce régime alimentaire plus que particulier. Et il dit « J'aime manger ces choses, elles font partie de ma vie. C'est une nécessité pour moi, je ne peux pas sauter de repas. » Je peux sauter des repas, mais jamais des briques ou de la boue, explique-t-il. Pakirapa Unagundi peut aller jusqu'à ingurgiter entre 1 et 2 kilos de boue et de gravier par jour, sans oublier les briques. Ça, c'est les petits bonbons, hein? Selon le journal The Mirror, ce trouble alimentaire porterait le nom de Pika. Il se caractérise par l'injection durable de substances non nutritives. Pakirapa Unagundi semble particulièrement apprécier son régime alimentaire et ne tient à en changer pour rien au monde. Sa famille et ses proches l'y encouragent pourtant, mais rien n'y est fait. Il préfère largement grignoter des briques plutôt que de déguster du poulet frit, comme il le dit ouvertement. OK, mais où est-ce qu'il prend ses éléments nutritifs, là, ses vitamines, ses protéines, son sucre, tout, où est-ce qu'il va le chercher? Devenu célèbre dans sa région grâce ou à cause de son trouble alimentaire, Pakirapa Unagundi assure être en parfait état de santé. Cependant, il reconnaît avoir du mal à boucler certains fins de mois et envisage donc de faire parler de son trouble alimentaire à travers toute l'Inde afin de gagner un peu plus d'argent. Même si ses proches s'opposent à cette idée, le jeune homme semble bien décidé à poursuivre sur cette voie et à même manger la voie. Hein, on pourrait dire ça. Tiens, on va rester dans la bouffe, c'est l'heure du midi. Hein? On va aller apprendre les choses à savoir pour éviter les faux pas quand on est à table, à l'étranger ou avec des gens, parce que désormais, la planète est de plus en plus petite et nos voisins peuvent être des Iraniens, des Irakiens, des Brésiliens, des Asiatiques, des Chinois, des Japonais. Hein? Faut savoir comment se tenir à table avec tous ces peuples. C'est merveilleux. En plus, ça donne faim. Hein? On ne met pas les coudes sur la table. On ne met pas les mains sous la table. On ne parle pas la bouche pleine. On ne commence pas à manger avant que tout le monde soit servi. Autant de bonnes manières à adopter en France, apprises dès le plus jeune âge. Ces us et coutumes peuvent être moins bien perçus à l'étranger, par contre. En effet, en fonction du lieu où l'on se trouve, les us et coutumes en matière de cuisine ne sont pas du tout les mêmes. Qu'à cela ne tienne, la pratique du pourboire à la manière de déguster son plat, ce qui est considéré comme acceptable dans un pays, peut être perçu comme très grossier ou presque à l'autre bout de la planète. Ainsi, il est mal vu de demander du sel ou du poivre au Portugal, tout comme il est déconseillé de se servir d'une fourchette en Thaïlande ou encore de finir son assiette en Chine. Mais aussi, rôter bruyamment à la table est une manière de signifier au chef que l'on apprécie son dîner. À l'inverse, agir de la sorte en Grande-Bretagne ou en France est très impoli. Autant de bons conseils très utiles à connaître avant de partir à l'étranger. Fort heureusement, le site My Modern Meat a récemment publié une infographie reprenant les bonnes manières à adopter à table lorsque l'on se retrouve en France, en Italie, en Thaïlande, au Portugal, en Inde, en Chine et au Japon. Le petit guide repris par le Business Insider qui permettra à quiconque d'éviter de faire un faux pas lors de ses futures vacances. Tour d'horizon, de ce qui est permis ou non à travers le monde. On commence avec l'Italie. La principale chose à savoir est qu'il est fortement déconseillé d'ajouter du fromage sur le dessus de sa pizza. Hein? Tout comme de demander, à moins qu'il ne soit explicitement proposé, parmi les bons conseils, il est à noter qu'un pourboire correspondant à 5 à 10 % de la note est bien perçu. Enfin, après un repas, ne prenez pas une boisson à base de lait. Choisissez plutôt un espresso. Donc, pas cher là-bas, la taxe, le pourboire, seulement un 5 à 10 %. Nous, c'est au moins un bon 15 minimum. Hein? C'est comme ça au Québec. Sinon, si on va vers le Japon, Ne laissez jamais de pourboire de plus. Il est contre-indiqué de croiser ses baguettes, de les lécher ou de les poser à la verticale dans son bol de riz. En effet, ce sont autant de pratiques considérées comme désagréables par les Japonais. Autre recommandation, ne passez jamais les plats avec vos baguettes dans les mains. Ceci ne se fait que lors de funérailles et à n'importe quel autre moment. En revanche, il est bien vu de boire directement sa soupe directement à partir du bol et assez bruyamment. Donc, c'est important. Surtout qu'il y a des nouilles, cela veut dire que vous appréciez le repas et que vous remerciez le chef. C'est comme ça que ça se fait au Japon. Sinon, ben là, on retourne en France. En France, eh bien, un repas réussi commence par une bonne entrée. En matière, ne souhaitez jamais bon appétit lorsque vous êtes invité chez quelqu'un. Cette expression suggère en effet qu'il faudra avoir bien du courage pour manger ce qui a été préparé par la maîtresse ou le maître de la maison. Elle pourrait être mal interprétée. Ah, ça, je savais pas, mais pas pantoute. C'est comme bon appétit, hein? Ouf! Si vous l'ignorez encore, les bonnes manières font que les mains doivent rester au-dessus de la table. De plus, il faut se servir de son pain pour pousser la nourriture à la fourchette. Mais quand on n'en a pas besoin, le pain doit demeurer sur la table et non dans son assiette afin de partager l'addition. Enfin, partager l'addition est très mal vu. Il faut proposer de payer la note en entier et ce, avant les autres. C'est comme ça. J'avoue, en Belgique, c'était comme ça aussi. C'est tout le temps quelqu'un qui prend l'addition pour tout le monde, et puis à l'autre pas, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. C'est juste qu'il faut pas que tu sois toujours celui qui prend l'addition quand même, parce que sinon, ça revient qu'à coûte cher. Ça revient qu'à te coûter cher. En Chine, cette fois-ci, les us et coutumes font qu'il est nécessaire d'arriver à l'heure des repas. C'est une marque de respect envers ceux qui sont vos hôtes. Mais ça, je pense que c'est un peu partout. Hein. Il est bien vu de rôter en plein milieu du déjeuner-dîner. C'est un compliment que vous faites au chef. À l'inverse, il est bon de savoir que les Chinois ne finissent jamais leurs assiettes. Il faut toujours en laisser un peu sur le côté. Cela signifie que vous avez mangé à votre faim. Ajoutez à cela le fait que les Chinois ne creusent jamais leur nourriture, car c'est considéré comme très grossier. Enfin, les restaurants n'acceptent en aucun cas les pourboires. Donc, Chine, pas du tout de pourboire. Maintenant, si on va vers l'Inde, avant tout repas, la tradition veut qu'on se lave les mains avant et après les repas en faisant tout particulièrement attention aux ongles. À l'inverse de la Chine, il est fortement conseillé de finir l'intégralité de son assiette pour ne pas être irrespectueux. Parmi les choses à ne pas faire, il ne faut ni manger trop vite, ni avec sa main gauche. Et le plus rarement possible, c'est couvert. OK. Donc, la main gauche, parce qu'elle est faite pour s'essuyer... Le numéro 2. Hein? C'est comme ça. Au Portugal, c'est la seule chose à savoir, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais ajouter du sel ou du poivre à ses plats. C'est une offense au chef. De plus, il est bien vu de donner un pourboire équivalent à environ 10% de l'addition. Mais là, on est bien des caves au Québec de donner 15% pour vrai. Partout, c'est genre tu donnes rien ou 5 à 10. Écoutez, ceux qui travaillent dans les magasins, dans les restaurants, moi souvent je donne même 20 comme un con. En Thaïlande, eh bien, il faut d'abord s'attendre à recevoir tous les plats en même temps. Ensuite, les bonnes manières locales enseignent le partage de la nourriture, le partage devant se faire au-dessus de la table. En revanche, ne mangez jamais avec votre fourchette, utilisez seulement pour poser la nourriture dans votre cuillère. Ah bon, vraiment, aïe aïe. Très, très particulier. Donc, on vient de voir ce qu'il en était avec les habitudes à la table autour du monde. Vraiment très, très, très, très intéressant. Ici, on s'en va voir une petite vidéo. C'est une dame qui met le... Ça aurait pu vraiment mal tourner. Mais en tout cas, donc elle met le feu à ses cheveux en soufflant une bougie d'anniversaire. Lorsque l'on célèbre son anniversaire, que ce soit le sien ou celui d'un proche, il est courant d'inviter des amis, famille, etc. Et bien entendu, de prévoir un gâteau d'anniversaire orné de bougies. La tradition veut que la personne qui fête son anniversaire souffle ses bougies et fasse un vœu, alors que son entourage entonne gaiement un « Happy Birthday hein? », un joyeux anniversaire. Mais pour cette jeune femme, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées de la sorte. Pour son anniversaire, ses amis avaient tout prévu, ambiance festive, gâteau, bougie, la fameuse chanson, tout. Mais il y a une chose à laquelle ils n'ont pas pensé, un instincteur. Eh bien, il faut avouer que la situation aurait pu mal tourner, aurait pu même tourner véritablement au drame. Lorsque la jeune femme, qui fêtait manifestement son anniversaire, s'est finalement décidée à souffler ses bougies, elle a eu la mauvaise surprise de voir ses cheveux s'embraser brusquement. Et comme on le voit sur la vidéo, les cheveux sont particulièrement

comme on apprend à faire l'amour en laissant la lumière allumée, préconise encore l'association. Hey, j'adore ça. Il faut apprendre à manger le gras comme on apprend à faire l'amour en laissant la lumière allumée. Génial. L'Amicale a distingué l'écrivain culinaire Suzy Palatin, oui, ainsi que Loïc Enaf, PDG de l'entreprise bretonne Enaf, numéro 1 des pâtés et des rillettes en conserve en France, et le chef Yves Cam de Borde. En guise de trophée, ils ont reçu, dans une ambiance bon enfant, un petit cochon sculpté bleu, blanc et rouge. Pour quelqu'un pratiquement né dans une porcherie, c'est un beau symbole, a déclaré Yves Cam de Borde. Candéborde, vraiment. Pour un homme qui aime le gras, tu t'appelles Yves Candéborde. C'est un animal qui me plaît, je m'amuse en le cuisinant. Il y a même une tête de cochon empaillée dans mon restaurant, a-t-il raconté. Un restaurant sans gras, c'est un restaurant sans vie, a-t-il ajouté. Et je l'approuve en faisant des signes de consternation. Pour ce chef, eh bien, la charcuterie revient. Tout le monde veut remettre en valeur la race de cochon de sa région. Le charcutier Gilles Véraud explique avoir adhéré à l'Amicale du gras par sympathie. Tout ce qu'on peut faire pour la qualité, ça me motive. Il faut manger de bonnes choses, du bon gras. Pour lui, l'Amicale est une ode au goût, à la vie et au contre-courant du dictat de la minceur. Bravo. Et vous, si vous avez le goût de faire partie de l'Amicale du gras, mais que vous n'habitez pas en France, premièrement, et que peut-être que vous ne tripez pas nécessairement sur le cochon, hein, mais vous aimez le gras quand même, eh bien, je vous envoie à l'instant le top 10 des plats les plus gras du monde. Et on commence comme ça avec l'acarajé. L'acarajé, ça nous vient du Brésil. Vous savez, ce qui peut être très mauvais pour votre corps, eh bien, c'est l'huile de palme. Une cuillère à soupe d'huile de palme contient 7 grammes d'acide gras saturé. Et malheureusement, ce sont ces acides gras qui rendent la nourriture si délicieuse. L'acarajé contient des pois chiches sous forme de boules frites dans l'huile de palme, puis farci de vatapa et de carourou, qui sont des pâtes épicées faites de crevettes séchées, des noix, de cajou et encore un peu plus d'huile de palme. Donc, bon appétit avec un acarajé. Sinon, autre truc bien gras hein, et qu'on aime, les churros. Ça, on connaît un peu plus ça. C'est le dessert, les churros. Ça nous vient d'Espagne. Il n'est pas rare de commencer sa journée avec des churros, pâtisserie frite trempée dans le sucre et la cannelle. On trempe bien sûr le tout dans un bon gros chocolat chaud, histoire d'en ajouter un peu de ce gras qui nous manquait cruellement. Troisième mais les plus gras de la planète, et ça nous vient de France, hein? Le troisième, vous allez le connaître très, très bien, c'est la fameuse poutine qui nous vient du Canada. En soi-même, la pomme de terre est un ingrédient sain, mais mettez-la dans les mains de Québécois et elles deviennent des frites qui côtoient une sauce brune et un fromage en grains pour former la poutine. Selon la chaîne de restaurants Burger King, mais pourquoi qu'on est allé chercher des chiffres de chez Burger King? C'est pas eux qui ont le mandat de faire la poutine au Canada. Mais en tout cas, selon Burger King, eh bien, un plat de poutine contiendrait 740 calories et 41 grammes de bon gras, là, du bon gras bien gras. Et là, on ne parle bien sûr que de la version traditionnelle, parce qu'on peut y ajouter n'importe quoi. On peut prendre une poutine au foie gras, ce qui serait encore peut-être mieux. Oh, là, attendez, il vient d'arriver une erreur dans ma page. 2 secondes. Top 10, on y va avec ça. 10. Top 10, attends un peu. Hey. Bon, OK, on l'a-tu? Maudite affaire, ça va bien, là, informatique. Bon, je l'ai retrouvé. On va aller rechercher l'adresse, la page. Mais vraiment, le pop-up, la page fermée, c'est super. Donc, on était rendu à la poutine, la fameuse poutine. Maintenant, quatrième plat les plus gras du monde. On est dans le top 10 des plus gras. Eh bien, le khachapuri. Première fois j'entends ça, le khachapuri. Eh bien, manger dans une assiette, c'est ennuyeux. Ça nous vient de Géorgie. Et si la place vous servait un plat fait en pain, rempli de fromage, allez donc demander l'avis aux Georgiens. Finalement, c'est un pain rempli complètement de fromage. On dirait un œuf dans un pain. Et je comprends pas pourquoi c'est si gras, mais bon, on voit que ça dégouline de partout. Alors, il y a quand même du pain et du fromage. Les deux, c'est quand même assez gras. Sinon, les fameuses crêpes au Nutella, bien sûr, de la France, mais on en mange partout sur la planète, des crêpes au Nutella. Donc, une cuillère à soupe de Nutella contient plus de 100 calories. Alors, imaginez plusieurs cuillères à soupe sur votre crêpe, hein, car on aime ça en mettre beaucoup, hein, aussi savoureuse que grasse dans une crêpe couverte de sucre. Attention à vos artères, mais vous allez être heureux, alors c'est parfait comme ça. Sinon, ici, moi, un de mes préférés, devrais-je dire, et c'est génial, je m'en ai fait un l'été passé, je m'en ai fait un, c'est l'aligot de France. Hein? Quand on voit un plat comme l'aligot, on se demande comment le dicton selon lequel les Françaises ne grossissent pas peut être encore vrai. Pour faire simple, l'aligot, c'est des pommes de terre pilées, du beurre, de la crème, de l'ail et plein, autant de fromage que de pommes de terre. Selon Fat Secret, une seule cuillère à soupe de ce monstre contiendrait 6% de l'apport journalier en acides gras saturés. Vive l'aligot d'Aubrac, c'est ça, hein? l'aligot d'Aubrac. Vraiment, ça me donne faim, je regarde ça, là. Ça, de l'aligot, tu manges ça avec un confit de canard, t'es le gars le plus heureux du monde. Oui, peut-être le plus gras aussi, mais quand même, t'es le gars le plus heureux du monde. Ici, les bars Mars frites. Ça nous vient d'Écosse, semble-t-il. Après avoir goûté le poisson frit et les patates frites en Écosse, que direz-vous d'un bon dessert frit? Une barre chocolatée Mars, par exemple. Mais bien sûr, frites, hein? Bien frites. Le plus marrant dans cette histoire, c'est que la compagnie Mars a déclaré que la Mars frite n'entrait pas dans sa campagne pour un mode de vie sain et actif, comme si la barre Mars non frite entrait dans un mode de vie sain et actif. Mais quand même... Sinon, en huitième position des plats les plus gras de la planète, eh bien, le jalebi. Jalebi, oui. Le jalebi, eh bien, c'est une pâte frite qui est loin d'être diététique en soi-même, qui est loin d'être diététique, oui. C'est le moins qu'on puisse dire, mais en Inde, on a décidé de faire encore plus fort en la trempant dans une espèce de sirop sucré. Et boum, le bruit de ma tête contre le parquet après ma crise d'hyperglycémie. Finalement, c'est une pâte, tout simplement, une pâte frite. Oup, on fait frire des morceaux de pâte. Ça ressemble un peu à, on pourrait dire, je sais pas, des onion rings, des oignons frits, là, des oignons panés. Sans oignon, juste la pâte. Et ensuite, on prend la pâte et on la met dans un genre de sirop qui fait devenir cette pâte-là un peu craquante, croustillante. Finalement, c'est du gras avec du gras et du gras avec du sucre. Ben oui, c'est le bonheur pour les artères, ça c'est sûr. Sinon, ah, wow, j'ai faim. La calzone, eh bien oui, qui nous vient d'Italie. Hein? Saviez-vous qu'une seule calzone contient autant de pâtes qu'une pizza? C'est sûr, c'est une pizza qui est juste pliée en deux. Hein? La pizza, sauf qu'on la mange à quatre, la calzone, on la mange tout seul. C'est ça le problème. Et finalement, le ramen. OK, le ramen, mais pas le même ramen à 99 cents qu'on achète à l'épicerie, là. Eh bien oui, le ramen, c'est beau, c'est original et ça change du sushi. Mais ne vous méprenez pas, on n'a pas affaire à de la bonne soupe de grand-mère diététique et pleine d'amour. Ici, on parle de nouilles trempées dans le brouet, qui est du bœuf, du lard et de l'huile. Alors, c'était le top 10 des plats les plus gras de notre belle planète. Et tout ça, ben ça me donne faim. Et parlant enfin, on va aller parler de cet homme qui regardait de la porno. Mais moi, si vous ne comprenez pas le lien, ben, c'est parce que vous n'êtes pas dans ma tête. Donc, un Américain de 48 ans a été placé en état d'arrestation par la police de New York. L'homme a été surpris en plein visionnage d'un film X sur les trottoirs de Manhattan dans le quartier de Harlem. C'est une des conséquences inattendues du boom des terminaux mobiles. Hein. Désormais, il est possible de regarder des vidéos où l'on veut et quand on veut. Ce qui est vrai pour les films, eh bien, les séries ou les documentaires, c'est aussi vrai pour le porno. Si l'on conjugue cette révolution technologique à la normalisation du X aujourd'hui, on aboutit à des manifestations surprenantes. C'est ainsi qu'un certain Rudolph Campbell, âgé de 48 ans, a été interpellé par la police alors qu'il regardait paisiblement un petit film porno au beau milieu d'un trottoir de Harlem. Muni d'un lecteur DVD portable, l'homme ne semblait nullement gêné par la présence des passants dans sa contemplation de ce film dont la décence exige de ne pas citer le titre. Au moment de son arrestation, le policier a pu ainsi observer trois jeunes enfants à proximité de Rudolph Campbell. Mardi, en comparution devant les juges, il a plaidé coupable et a reconnu les faits d'exposition au public de contenu à caractère sexuel portant atteinte à la pudeur. Rudolph Campbell, qui réside dans un foyer pour SDF, a déjà été arrêté à une trentaine de reprises, rapporte le New York Daily News.

Hein? C'est ça qu'on veut et c'est la bière de la semaine. Et aujourd'hui, ben, il aurait fallu que je change le nom de la chronique parce que c'est un cidre houblonné, donc le houblon Happy Hop, un cidre qui nous vient du verger de la colline qu'on déguste aujourd'hui. Hein, hallucinant, le Milton Star. J'essaie de trouver de l'information depuis tantôt sur Internet et je ne trouve à peu près rien. C'est ce qui m'attriste un peu. Donc, c'est un cidre houblonné aux cascades et aux chinooks qu'on nous propose ici. J'essaie de trouver plus d'informations. On a l'axe du Malte, semble-t-il, qui nous proposait de l'information. Mais je cherche, mais je ne trouve pas. C'est une toune, ça. Hein? Je cherche, mais je ne trouve pas. Alors, j'envoie juste pour le fun. On va s'essayer encore un petit peu si on trouverait pas l'info. On va passer ça rapidement. Oh, je l'ai peut-être ici. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'il nous donne plus d'informations? Parce que je l'ai, là, la petite... ici, est-il là? Capsule à bière. En tout cas, j'avais de l'info, mais fuck all, c'est pas grave. On va s'organiser avec ce qu'on a. Donc, c'est une... c'est pas une bière, mais c'est un format 500 ml. Un cidre houblonné au houblon. Mais il y a du cascade, du chinook... comme levure, les pommes, par contre, elles, c'est du McIntosh et du Spartan. C'est fait à Sainte-Cécile de Milton. C'est pas très loin quand même. Et c'est 100% naturel. Si je vous envoie le petit texte de présentation, eh bien, on nous dit une étonnante fusion de houblon et de pommes fermentées et embouteillées et à déguster sur lit. Pomelo et citron excitent l'odorat le plus complet, puis comble avec des notes épicées de conifères. En bouche, un bouquet d'agrumes, une pointe d'acidité et une belle rondeur en finale. Un plaisir garanti, nous dit-on. Hein? Alors, on nous dit que ça peut être vieilli quand même jusqu'à 3 ans parce que c'est un cidre sur lit. Ça, des fois, moi, un petit peu plus difficile à digérer, par contre. Mais bon, on va aller voir ça dans 2 secondes. On se baisse la trame et on va l'écouter, hein, chanter. On va utiliser le micro magique. Je l'ai, moi aussi, le micro magique. Étant donné que Assemblage Rocky a débloqué de gros budgets pour faire acheter un micro magique, ben, je me suis dit, moi aussi, je vais l'utiliser durant ma chronique. Alors, on écoute au micro magique. Tiens, faut-tu toutes les allumer, les micros? Oui, c'est ça. C'est le fun parce que le micro est tellement magique qu'on entend même les bruits dans l'université qu'on n'entendait pas juste avant. Et puis, là, au nez, on va baisser un peu le micro magique, il était un peu trop magique. Et puis, au nez, ben littéralement, la première odeur qui me montait au nez, eh bien, c'est une odeur de jus de pomme. Fait que ça, c'est loin d'être désagréable. Et puis, ben on va se la couler, cette bière, avant de repartir en musique, hein? Oh, elle fait plein de gros bruits. Elle est bien contente de se faire couler, cette bière. Donc, on regarde ça. Juste au look, je me dis, ça va être acide, ça, quand même. Très belle effervescence, par contre. Gazéifié à fond. Un vrai beau cidre gazeux. En tout cas, on va s'envoyer une petite... Au nez, qu'est-ce que ça dit? Faut dire que j'ai un rhume d'homme, là, en ce moment. Ça, c'est très clair. Vraiment. Mais... au nez, comme je disais tantôt, bien sûr, la pomme. Bien sûr, le citron. Hein? Au look, il est jaune un peu voilé, jaune-blanc, presque la couleur d'une blanche. Mais là, faut pas oublier ici, dans ce moment, on n'est pas en train de déguster une bière, on est en train de déguster un cidre. Donc, il y a le côté jaune, comme un jus de pomme, mais beaucoup plus pâle. C'est comme si c'est un mix entre une blanche et un jus de pomme. Au look, là, ça ressemble à ça. Et une blanche, vous savez, c'est souvent un petit peu voilé. Donc, on a ça aussi. Je vous dis tantôt, effervescence assez prononcée, mais pas de colle. Là, c'est un cidre, il n'y a pas de colle. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, ce sont de grosses bulles. Hein? C'est pas des petites bulles fines là à la champagne. Loin, loin de là. Alors, ça, c'est pas pour me déplaire, par contre. Hein? On trouve ça bien intéressant. Et ici, on a des gens qui faisaient une capsule pour en vente, parce que avec les informations que j'ai essayé de trouver, j'ai trouvé des gens qui faisaient un genre d'événement, dégustation et tout ça, puis ça me semble bien intéressant. C'était justement à l'Axe du Malte. Je crois que c'est un magasin à Québec, mais là, je m'avance comme ça, mais je suis pas sûr. Donc, au lieu de parler, là, trêve de bavardage, et puis pourquoi pas aller se couler cela. Donc, on remonte notre petite trame. Je déguste un petit peu et puis je vous reviens. Je reste là, là. Je suis pas loin. Aïe aïe. Très, très, très agréablement surpris. Et agréablement surpris par des saveurs ou des teintes que je m'attendais à rien finalement avec ça. Parce que j'aime beaucoup les cidres et je connais quand même assez bien les cidres. Celui-là, zéro sucré. Mais quand je dis zéro sucré, il est vraiment pas désagréable. C'est moi, je dirais que ça se boit comme de l'eau. Imaginez, c'est con, mais imaginez un verre d'eau ou de jus de pomme, bien, bien froid. Mettez-y là, du gros zeste de citron dedans, sans que l'acidité vienne vous faire revirer à la bouche de bord. Tu sais, que ça fait pas... puis que le coin de la joue, puis que tu te mets à saliver parce que c'est trop acide. Non, mais... Tout le reste qui est le fun là-dedans, là, qui est comme le côté rafraîchissant, le côté vif, vivifiant, c'est ce que je pourrais dire. Sec, mais sec comme j'ai rarement vu. Là. Et pas sec, justement, encore là, qui revire la bouche. C'est seulement que le goût, il rentre, il se termine. Vous comprenez? Il n'y a pas de niaisage entre les deux. Ça, c'est clair. On propose de boire cette bière-là à 10 degrés. Le CO2, 3,5, je ne sais pas trop l'indice, qu'est-ce qu'elle veut dire. Sinon, on nous dit qu'il n'y a aucun agent de conservation et sans sulfite. Alors, il y aura des dégustations. Je vais regarder voir s'il y a des gens qui en parlent un peu de cette bière. Il dit, on m'a dit que j'aimerais pas... j'en prendrais juste un verre. Alors, les gens ne sont pas très, très jasants de cette bière parce que c'est très, très, très, très nouveau. Par contre, moi, ce que j'ai à dire, c'est si vous aimez les trucs francs, là, les trucs qui sont, tu sais, comme tantôt, j'ai dit de l'eau, mais qui sont goûteux sans l'être, hein, c'est un peu bizarre ce que je dis, là, mais dans le sens, tantôt, je l'ai dit, c'est vivifiant. Ça ressemble vraiment à si je me prends un verre de citron, ça fait du bien, ça va me désaltérer et... En plus, ben, ça me donne toute cette belle saveur. Alors, il n'y a pas de citron hein, là-dedans, c'est seulement les houblons qui amènent ça. Moi, il me l'avait dit, je ne me rappelle plus lequel. Il y a un autre houblon, me semble, mais là, en tout cas, c'est le Chinook et le Cascade. Le Cascade, on est habitué de... Moi, en tout cas, je suis habitué de le boire. Et d'habitude, il te donne un petit goût plus, me semble, plus tropical. Là, ben oui, du citron, ça pousse pas à Pointe-du-Lac, je vous l'accorde, mais c'est pas comme tropical. On se sent vraiment en terrain connu et le petit 7% réchauffe quand même la gorge. Tu sais, c'est pas énorme 7%, mais ça fait ce que ça a à faire. Je vais en m'envoyer une petite gorgée parce que j'en ai quand même pris juste une, mais je vais en prendre une bonne. Vraiment très difficile à décrire, surtout par rapport à ce que je bois d'habitude, par rapport aux bières ou par rapport au vin. Et les cidres que je bois d'habitude ne goûtent pas ça, vraiment pas. La compagnie, comment elle s'appelle, je ne sais pas, les Vergers de la Colline. Très bien, on faudrait aller voir ça, qu'est-ce qu'ils en disent. On va aller voir ça, Vergers de la Colline. On a ça, on va aller voir s'il n'y a pas un peu d'histoire, un peu d'information. On regarde ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce que l'Internet va nous accepter dans toute cette recherche? Allez. Donc, je vous invite vraiment à aller voir à la barrique. Hein. Décrivez ce que vous aimez aux vendeurs de la barrique. Ils sont vraiment très, très sympathiques et ils savent vraiment de quoi ils parlent. Alors, il y a toujours la page aussi, la barrique sur C'est fou. Inscrivez ça, la barrique. Vous allez voir toutes les nouveautés qui sort et qui sont les nouveaux arrivages, c'est ce que je dis. Parce que des fois, c'est pas une nouveauté, c'est seulement un nouvel arrivage. Comme là, il vient d'arriver et je m'en suis procuré deux belles. C'est l'équinoxe du printemps de chez Dieu du ciel. Vraiment tout à tisse, en culotte de velours. Un petit côté... dans le fond, c'est une Scotch Ale à l'érable. Donc, vous avez tout pour me plaire. Moi, je vous dirais que c'est une de mes bières préférées de tous les temps. L'équinoxe du printemps. Alors, ben là, je voulais donner de l'information. Le site est hors hors zone, je pourrais dire. Non, mais hors d'usage, ça ne fonctionne pas. Alors, ben, je ne pourrais pas vous envoyer plus d'informations sur les vergers de la colline. Mais si ça vous intéresse et si le site vient qu'à venir à être à jour, là, eh bien, c'est le vergerdelacolline.com. Sur ce, eh bien, il n'y a rien à dire de négatif sur ce produit, le Milton Star Houblon Happy Hop Cidre. Donc, un produit du Québec, un cocktail au cidre mousseux. Vraiment très, très intéressant. Vous allez goûter à ça et ça goûte rien de ce que vous connaissez déjà. Si vous aimez le cidre, c'est clair que vous allez aimer ça. À moins que, je sais pas, si vous avez peur du citron, par contre, il y a un petit côté très, très citronné, ça. On ne peut pas le passer sous silence. En tout cas, je m'envoie une gorgée et... c'est le bonheur. On va aller ici tout de suite, on est rendu là. On va aller en musique parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur sur ce beau produit. Alors, arrive-moi ici. On s'en va avec Pépé et sa guitare. Quelle pièce? On va essayer d'aller découvrir une pièce qu'on n'a pas encore écoutée. On a écouté « Je m'engage » qui est sur le palmarès. On a « Ça pue quand tu parles ». On a « Bout de batte »,« Mal fourré », on l'a mis. On y va dessus avec chaque seconde. On va regarder ça, juste voir si la pièce ne dure pas 30 secondes et demie. Non, on va y aller justement avec la pièce chaque seconde de Pépé et sa guitare. Sur ce, je vous rappelle qu'on buvait une excellente Milton Star Houblon Happy Hop Cidre qui nous est gracieusement offert par la barrique 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Allez-y! J'attends pas après le changement, j'haïs ça me sentir impuissant, et je réalise que tout ce que je peux changer, c'est moi. J'en veux pas à mes parents, j'en veux pas plus au Parlement, c'est pas de leur faute si je ne suis pas organisé. La radio ne me fait plus de bien, la musique ça vaut plus rien. T'es pas d'accord avec ce que je dis, ben réagis. Parce que j'ai peur de la mort comme tout le monde, en attendant je perds pas mon temps. Je profite de chaque seconde, le plus souvent possible. J'ai peur de la mort comme tout le monde, en attendant je perds pas mon temps. Je profite de chaque seconde avec toi. Chaque seconde, le plus souvent possible. Oui, j'ai peur de la mort comme tout le monde, en attendant, je perds pas mon temps. Je profite de chaque seconde avec toi. J'aimerais ça faire plus d'argent, comme n'importe qui. J'imagine, ça vient pas rien qu'en travaillant, il faut que tu spines. J'en veux pas à personne d'autre, cherche pas quelqu'un sur qui mettre la faute. La vie peut t'offrir plein de chemins, mais moi je fais le mien. La musique ne se vend pas bien, ma passion vaut presque rien. Tu ne

Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous parle de l'étonnante histoire de Wesley Warren Jr., l'homme au plus gros testicule du monde. Il s'est fait connaître en raison de son scrotum géant décédé en mars 2014. Wesley Warren Jr. était pourvu de la plus grosse paire de couilles au monde, une anomalie de près de 50 kg qu'il avait contractée à la suite d'un accident domestique et avec laquelle il a dû vivre pendant plus de 5 ans, affrontant sans arrêt les regards et les moqueries. Ouais, OK. Souffrant d'hydrocèle, un éléphantasiès extrême du scrotum qui se traduit par la formation d'une poche remplie de liquide et d'un gonflement parfois très important du scrotum et de ses bourses et des bourses, Wesley Warren Jr. a vécu pendant 5 ans avec une paire de testicules de près de 50 kilos, une situation insoutenable qui l'obligeait à rester cloué au lit la plupart du temps. Pourtant, il avait auparavant un travail et menait une vie tout à fait normale. Ce n'est qu'en 2008, après un faux mouvement à la sortie de son lit, que les choses tournent mal. Avec la jambe droite, je me suis cogné le testicule droit. Jamais je n'avais ressenti une douleur aussi violente de toute ma vie. Le lendemain, mon scrotum avait enflé. Il faisait la taille d'un ballon de football. Dès lors, ses testicules gonflent sans cesse jusqu'à peser près de 50 kilos. Tout devient alors plus difficile. Se déplacer, conduire, porter un pantalon et bien sûr même les relations sexuelles qui lui sont interdites. Le regard des gens change alors que Warren ne peut plus le supporter. Il veut guérir. J'ai vu le meilleur chirurgien urologue du Nevada. Il m'a dit qu'il faudrait procéder à l'ablation totale du scrotum, ce qui reviendrait à me castrer. Je serais réduit à uriner par une sorte de sonde jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce qu'il me proposait. Vous parlez d'une solution, raconte-t-il aux caméras de Discovery Science, qui diffusera samedi le 12 avril prochain à 21h un document exceptionnel sur l'homme aux plus gros testicules. Finalement, il accepte tout de même de se faire opérer en avril 2013, une opération coûteuse et surtout périlleuse, mais qui finalement réussit. Il meurt néanmoins un an plus tard, en mars 2014. Et si la cause de son décès n'a jamais été communiquée, son colocataire Joey Hurtado reste persuadé que son ablation des testicules n'en a aucun rapport. Il a été atteint de plusieurs maladies à cause de son diabète. Il a également fait 2 crises cardiaques, explique-t-il. Le monsieur n'était pas maigre non plus, hein, faut le dire. Et restons dans le domaine des balls of fire, des testicules. Hein. La vidéo a passé, moi je l'ai vu passer peut-être vendredi ou jeudi dernier sur Internet, mais je vous en avais pas parlé parce que bon, je me suis dit peut-être qu'ils l'ont vu, mais je trouvais que le lien était super avec l'autre. C'est pour lutter contre le cancer, ils se font épiler les testicules. Alors, pour sensibiliser les jeunes au cancer du testicule, une vingtaine d'hommes ont accepté de subir une opération choc, une épilation des testicules. Ils ont donc laissé des professionnels enlever les poils à la cire de cette zone très sensible. Et on les voit sur la vidéo se tordre de douleur. Le but clairement affiché de cette nouvelle campagne de sensibilisation, on a pris le bon mot, hein, c'est de changer le regard des jeunes sur ce cancer. Cette association pointe du doigt le fait que le traitement est plus efficace lorsque le diagnostic se fait de manière précoce. Cette opération de communication vise à pousser les jeunes à accepter de se laisser palper le scrotum par un professionnel. D'ailleurs, un diagnostic de cancer du testicule est bien moins douloureux que cette torture physique subie par ses cobayes. L'équipe de l'organisation Testicular Cancer Canada dédramatise la situation et propose une vidéo pleine d'humour pour inciter à prendre ce sujet au sérieux. Sur le site officiel de l'organisation, eh bien, on apprend que le cancer du testicule, il y a des gens qui me dérangent dans la fenêtre et ils me regardent, puis ils me posent des questions avec leurs yeux. Bonjour, bande de cons. Sérieux, c'est ridicule. Excusez, sur le site officiel de l'organisation, on apprend que le cancer du testicule est le cancer le plus répandu chez les jeunes hommes ayant entre 15 et 29 ans. C'est pourquoi il est assez important de pousser ces jeunes hommes à réaliser un diagnostic fiable afin de trouver le traitement le mieux adapté et surtout, et c'est là le but, le plus tôt possible. Dans cette vidéo ralentie, ces hommes sont en plein tourment. Ils semblent enfin découvrir le vrai sens du mot « douleur ». Il faut dire qu'on est en train de leur arracher les poils à la cire dans cette zone la plus sensible pour un homme. Vraiment très, très particulier. La vidéo est drôle, sérieusement. Et quand on se met à la place des messieurs, on se dit « aïe aïe », vraiment. Je vous parle de cet homme ici qui est méconnu, mais pourtant un véritable héros. Voici l'une des publicités les plus émouvantes ces dernières années. On y voit et on y suit le quotidien d'un jeune homme qui fait preuve d'une immense générosité. Dans cette publicité, on suit le quotidien d'un jeune homme, le fameux héros méconnu. La première scène le montre marchant dans une rue alors que de l'eau tombe d'une gouttière. Il en profite pour y mettre un pot de fleurs fanées pour que ces dernières reprennent l'eau alors que la chaleur semble être à son comble. Notre homme aide ensuite une vendeuse ambulante qui tente tant bien que mal de diriger son chariot qui semble être bien lourd. Notre héros donne ensuite une cuisse de poulet à un chien errant qui vient lui quémander de la nourriture. Les scènes suivantes montrent une mère et sa fille en train de mendier dans la rue avec un écriteau indiquant que l'argent servira à l'éducation de la fillette et une porte à laquelle le jeune homme accroche un bouquet de bananes. C'est alors que la voix off stipule que ces bonnes actions et cette générosité ne serviront pas à grand-chose, en tout cas pas dans l'immédiat, et qu'elles n'apporteront rien de matériel. Que va-t-il recevoir en retour s'il fait cela tous les jours? Il n'aura rien, il ne sera pas plus riche, il ne passera pas à la télévision, il restera toujours anonyme, commente cette voix. Et c'est avec une méthode faite de répétition que cette publicité est fortement efficace. Ainsi, de jour en jour, le pot de fleurs fleurit, le chien semble plus heureux, la vendeuse ambulante est de plus en plus épanouie, et donc plus client. Et par-dessus tout, la fillette ne mendie plus. On la voit maintenant appeler sa maman au loin alors qu'elle est même vêtue de cette petite uniforme d'écolière. Il sera témoin du bonheur. Il gagnera ce qui ne peut pas s'acheter, ajoute la voix. Cette publicité a été dévoilée sur Internet le 3 avril dernier et connaît un très grand succès puisque 3 millions d'internautes l'ont visionnée. Elle a été réalisée dans le but de promouvoir une assurance vie baptisée Thai Life Insurance. Donc, hein, chaque petit geste quotidien qu'on fait va améliorer notre vie au bout du compte. Hein? C'est-tu pas génial comme publicité? Et ici, hein, messieurs, allez voir la belle Gina Roxero. Joli mannequin qui pourrait peut-être vous surprendre. Vous la trouvez sublime et pourtant, vous imaginez pas le secret qu'elle cachait jusqu'à la semaine dernière. Gina Roxero, mannequin américain, est en réalité née de sexe masculin. Elle se livre afin, Danny, de venir en aide à ceux qui, dans sa communauté, souffrent. Donc, Gina Roxero a donc pris la parole devant un large auditoire pendant une dizaine de minutes et a raconté son histoire dans une conférence TED. Vous savez quoi, on en voit de plus en plus. Gina, ayant toujours voulu être une fille, elle a ainsi raconté cette anecdote amusante où elle mettait un T-shirt sur sa tête pour jouer à avoir de longs cheveux dès son jeune âge. C'est à 19 ans qu'elle a subi une opération de chirurgie esthétique en Thaïlande pour changer de sexe. Celle-ci lui a permis de pouvoir définitivement changer son genre à son arrivée aux États-Unis où elle a émigré en 2001. Elle y est aujourd'hui devenue un mannequin reconnu. C'est sous une standing ovation que Gina Roxero a achevé son discours ayant réussi à émouvoir le public et à faire entendre sa voix. Car ce que souhaite Gina à présent, c'est agir pour la communauté transsexuelle qui connaît de graves problèmes. Elle a d'ailleurs avancé une statistique qui fait froid dans le dos. Pour de nombreux membres de ma communauté, voici la réalité dans laquelle nous vivons. Notre taux de suicide est 9 fois plus élevé que dans le reste de la population. Le combat de Gino... Oh, j'ai fait un lapsus... qui marche quand même. Gina Roxero avec elle-même attends un peu. Le combat de Gina, oui, avec elle-même étant fini, elle n'a pas manqué d'interpeller le public à toute la toute fin de son... j'ai de la misère à respirer. À la toute fin de son intervention à ce propos, ma vérité la plus profonde m'a permis de m'accepter tel que je suis. En ferez-vous autant? Donc, progressivement, le tableau sur les transsexuels tombe. Récemment, c'est Bradley Manning, désormais Chelsea Manning, qui avait annoncé vouloir changer de sexe. L'homme condamné à 35 ans de prison dans l'affaire de WikiLeaks avouait ainsi vouloir vivre sa transsexualité au grand jour. Un secret que beaucoup n'osent pas révéler par peur ou par honte. Et c'est le silence qui, à présent, est l'ennemi de Gina Roxero. Allez voir la petite vidéo et les images et la belle plastique de cette charmante mannequin. Ou de Gino Roxero, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. C'est une farce, là. J'ai fait un joke plate, vraiment. Ici, on vous propose d'assister à des batailles de chars à la Russian Expo Arm. OK. C'est les missiles, les chars d'assaut, les systèmes d'artillerie sont des produits comme les autres ou presque. Il existe même des salons qui leur sont consacrés comme le Russian Expo Arm. C'est un événement se tenant en Russie et qui est l'occasion de voir tout un tas d'engins militaires en action dans des démonstrations, ma foi, très impressionnantes. Justement, la dernière arrivée au salon, c'est... la dernière édition du salon, la Russia Arm Expo, s'est tenue à Nijing Tagil, dans l'Oural, en septembre 2013. L'occasion pour plusieurs clients potentiels de découvrir les dernières nouveautés destinées à l'armée de terre. Un nombre important de nouveautés sera exposé. Par exemple, les visiteurs pourront voir le char modernisé, le T-90S, le canon automoteur MSTAS aux performances améliorées, le système automoteur d'artillerie VENA. C'est ce qu'a indiqué Igor Sevotianov, oui, qui dirige la délégation russe au salon. Sur la vidéo, on peut voir quelques images prises lors du salon avec notamment de nombreuses démonstrations de chars d'assaut, des avions de chasse et des missiles en tout genre. Le tout donne un résultat vraiment impressionnant et on imagine qu'il ne vaut mieux pas avoir peur des explosions si on souhaite assister à ce genre de spectacle. Ce type de salon est un moyen de démontrer la puissance de ses armes, mais aussi de prouver son avancement technologique. Par exemple, le public du salon a pu découvrir le système de visée Hagat MDT, un système capable de voir dans le noir complet jusqu'à 4 km et entièrement fabriqué avec des composants russes. Les visiteurs ont également pu admirer la nouvelle version du véhicule blindé de soutien de char BMPT Terminator, construit sur base d'un châssis de char T-72. Et ça continue. Allez voir la vidéo si vous êtes un amateur de bébelles explosives. C'est pas mon cas, désolé, mais je trouvais ça quand même assez décalé. Et tiens, on va s'en faire une dernière avant d'aller en musique. Eh bien, je vous parle de cette barmaid qui a évité de graves blessures après l'explosion d'une cigarette électronique. OK. Laura Beatty, 18 ans, était en train de servir des clients derrière son comptoir de bar quand une cigarette électronique qui était branchée pour être rechargée a explosé dans un pub à Richmond, en Angleterre. Après cette belle frayeur, Laura a raconté comment elle avait échappé à l'explosion. « J'étais sur le point de servir un client quand j'ai entendu un bang. J'ai juste eu le temps de voir la boule de feu et de sentir la chaleur d'explosion avant de m'enfuir, mais son bras et sa robe ont quand même été brûlés. J'ai commencé à pleurer, j'étais hystérique parce que mon bras était noir et que ma robe était partiellement brûlée. Un client accoudé au bar a également été touché au niveau du ventre. Cette explosion impressionnante sème le trouble sur la sécurité des batteries des cigarettes électroniques. Imaginez qu'elle vous explose d'en face. Celle qui a explosé dans ce bar anglais était simplement branchée sur le port USB d'un iPad posé derrière le comptoir. Un léger grésillement a d'ailleurs été entendu avant que le matériel prenne en feu et explose. Laura a donc été d'autant plus surprise que ce n'était pas la première fois qu'elle rechargeait une cigarette électronique. J'en avais déjà chargé un nombre incalculable de fois. Ce n'était absolument pas prévisible. Plus de peur que de mal alors pour Laura qui aura peut-être beaucoup plus été gravement, qui aurait pu être beaucoup plus gravement touchée, mais pas sûr qu'elle réitère l'opération avant d'avoir de sérieuses garanties sur le bon fonctionnement des cigarettes électroniques. Allez voir les images, c'est frappant. C'est le cas de le dire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On accueille le président, presque l'honneur, le juge. L'honorable. L'honorable. Chef du groupe. Votre sainteté. J'aime ça. Voici François Landry et Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel, pompeux, royal, royal. Le directeur général des élections dans nos rêves, en tout cas, François Landry. Hein? J'aimerais tellement ça. Ce serait pas pire parce que les choses changeraient un petit peu. Ça, un petit peu, tu dis? Ouais. Et bâton. On parle. Bâton! Bon, non, ben, j'ai pas mis mon R à la fin. D'accord, mais je vais retenir ça, là, j'aime ça. Bâton, popsicle. Aujourd'hui, ton titre, c'est proportionnel et constant. Donc, j'imagine qu'on revient sur la température du moment. Oui, tout à fait. C'est dans le rouge. C'est dans le rouge. Mettons. Plus que dans le rouge. Bourgogne. Bourgogne, ouais, c'est ça. C'est comme qui perd Bourgogne, l'émission. Qui perd Bourgogne. Je vais noter ça, là. Oui, oui. Merci.